La mémoire, ce n'est que du vent qui secoue les feuilles de nos palmiers du temps. Les vitrines, ça ressemble. Oui, il me semble à tout ce que je n'ai pas eu. Faut bien le dire.